Il est 17h passé de 7 minutes. Vous êtes peut-être dans les bouchons, pas de panique. Charline et Alex sont là. Mais oui, pour faire passer le temps. Ah bah ça, je peux vous dire, avec le sens de l'orientation d'Alex, il va vous indiquer les itinéraires bison futés. On va changer le monde et c'est bien que les gens soient bloqués pour se rendre compte de ça. C'est vrai. Pas d'immobilisme, vous êtes sur France Inter. Merci Hélène Chevalier. Et voici comment nous avons préparé cette émission en ce lundi férié. Bon, Guy, on place la caméra. Ok, on va faire le buzz, là. Les garçons, c'est un métier. Attends, on va faire une petite vidéo. Raconter des vannes, c'est notre spécialité. Là... Bon, ok, moi je filme, ouais. Mais après, c'est vous qui allez passer pour des baltringues. Ah, alors ça, il est pas encore arrivé le moment où on va passer pour des baltringues. L'humour, c'est notre truc. Toi, salut les amis. Salut Charline. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, ces caméras, là, buzz. On tourne une vidéo YouTube. Ah, oui, ça, je vois bien qu'on n'est pas sur un tournage de Luc Besson. Oui, en fait, notre invité, c'est Norman. Ah, mais j'adore ces vidéos. Oui, c'est pas mal. Enfin, on va faire beaucoup mieux. Ouais. Allez, sur côté, Charline. Regarde, laisse faire. Allez, lance le clap, on y va. Alex et Guillaume font des vidéos. Salut les amis. Salut les poutous. Coupez. Mais pourquoi tu coupes? Salut les poutous, tu dis. Eh ben, on essaye d'avoir un public jeune. Mais pas un public de maternelle, Guillaume. Ah bon? Mais les jeunes, ce qu'ils aiment, c'est pas quand tu leur parles en jeune. Donc ça a l'air sociologique, votre histoire. Allez, on y retourne. Deuxième. Alex et Guillaume font des vidéos. Deuxième. Salut les amis. Salut les jeunes. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah ben non. Mais l'eau, ça mouille. Eh ouais. Mais t'es con. C'est très spirituel. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis trompé avec ta connerie. Mais c'est le gag, c'est ça. Tu dis, je sais pas si vous avez remarqué, l'eau ça mouille, ouais. Et bim, pseudo gag. Mais j'avais une chute, moi. Non mais résultat, tout le monde a remarqué que l'eau ça mouille, c'est ça qui est drôle. Bah, surtout moi. Et moi j'arrête ma carrière de youtubeur. Ah bah non, bah alors moi aussi à ce moment-là, du coup. C'est peut-être mieux pour Norman. Oui, ouais, parce que là, il avait du souci à se faire, hein, c'est sûr. Bonjour la France Inter, bonjour à tous et bonjour à tous les Pakistanais de la Terre aujourd'hui. Vous écoutez l'émission qui ouvre les vannes de l'actualité et voici les trois informations qui vont inonder l'antenne jusqu'à 18h. L'intelligence artificielle a fini par apprendre des humains, ce qui explique que l'intelligence artificielle dise beaucoup de conneries. Cela dit, l'intelligence artificielle est parfois très utile. Dans 5 mètres, tournez à gauche pour esquiver Nicolas Corteau, le relou du collège qui va vous parler pendant 3 heures. 5 mois après les violentes intempéries qui ont contraint le Marineland d'Antibes à la fermeture, le sale temps perdure sur le parc d'attractions puisqu'une association porte plainte pour maltraitance des cétacés en captivité. Tu tues une baleine, t'auras les écolos, t'auras Greenpeace, t'auras le commandant Cousteau sous le dos. Mais d'ici ma bande sardine, j'aime autant te dire qu'on te mettra à les mettre en boîte. Hein. L'Assemblée a voté la fin de l'égalité du temps de parole pour les candidats à la présidentielle, d'autant qu'ils sont déjà nombreux pour 2017, sans compter ceux qui n'ont pas envie d'y aller, mais qui se forcent à y aller. Heureusement, je dors bien la nuit, mais quand je me réveille, je me dis toujours « Ah merde, je suis candidat ». Le Philippe Poutou. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui est candidat à la déconne, c'est Alex Vizorek. Mais bonjour, joyeuse Pâques, mon petit lapin. Tout va bien. Dis donc. Et aujourd'hui, autour de la table. Oh oui, je le sentais. Merci bien. Merci mon poussin. Mais c'est gentil. À 17h20, il va nous parler de sport. Et peut-être qu'il va parler notre invité de son concurrent dans le milieu du foot. Mathieu fait des vidéos et c'est Karim qui les revend. Bonjour Samir Bouadi. Bonjour Alex, bonjour. Bonjour Charline, bonjour à toutes et à tous. De quoi on parle ? Je vais vous parler d'un numéro 14, jour de naissance de notre invité. 14, numéro magique, chiffre magique, un Cruyff voilà, qui va manquer au foot. Ouais, voilà. Cruyff. À 17h30, il est revenu de Normandie. Alors peut-être, je crois que c'est la contrée qu'il aime le moins, puisque dès qu'il sort son micro pour poser une question, eh bien, on ne lui donne que des réponses de Normand. Et ça, il n'aime pas. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi, justement, j'ai contacté le directeur du Marineland d'Antibes, qui vient de rouvrir ses portes. Et oui. Et avec quoi il a ouvert ses portes ? Avec donc, les nouveautés qui tiennent plus de la philosophie. Qu'autre chose. Voilà, donc on va parler Spinoza et Otari qui jongle avec des ballons. Et à 17h40, il aime prendre des risques dans ses chroniques, au point que Rémi Julienne a proposé de l'aider à régler les cascades devant le micro. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour. De quoi allons-nous parler, c'est ben ça oui, non, c'est souvent, alors c'est la question la plus précise que je puisse incroyable. Poser. On va parler des conflits de dégénération. Très bien. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Ça, c'est pour lui mettre la pression. Vous êtes né à Arras. Sous Mitterrand, vous obtenez le bac en 2005, c'est l'année du lancement de YouTube. Vous lancez seul votre chaîne sur le dit YouTube en 2011. C'est l'année où l'Azerbaïdjan remporte l'Eurovision et ça, on l'oublie trop souvent. Vous montez votre premier one-man show en 2015 quand Motus fête ses 25 ans. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je suis Jacques Chirac. C'est perdu. Je suis Norman. Norman fait des vidéos sur YouTube. Oui, c'est Norman. Charline Vaninacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Je voudrais juste vous ramener à la réalité, mon petit bonhomme. Nous, notre page Facebook, on a 41 000 amis. Ouais. Ça calme un peu. Ça hein. fait clairement pitié. Désolé de vous le dire. Je te remercie pour cette petite biographie. J'apprends de quelqu'un d'important. Et ça me fait très plaisir que j'en ai des trucs comme ça. Mais écoutez, nous, ça nous fait très plaisir que vous soyez là, Norman. Un gars du Schnorr en plus avec nous. C'est on vrai. A toujours un petit. On aime ça. Toujours, on aime ça, c'est vrai. Alors, Norman, vous faites les zéniths partout, en France et ailleurs même. Et puis là, vous allez être au théâtre du Rond-Point. Tout à fait. Alors, bien informé. Mais qu'est-ce qui va nous rester, nous? Voilà. Avec vos conneries. Alors, Norman, on verra sur scène lundi 4 avril. Ça, c'est un festival qui s'appelle Sans élastique, Very Important Performances. Très bien prononcé. Ah, pas mieux. Avec notamment Guy Edré, Julie Ferrier, Joss Houben ou même Rudy Ricciotti. J'ai vu que c'était un architecte. Alors là, vous vous adressez moins, j'imagine, à votre au public qui vient vous voir dans les zéniths. Ça va être un public un peu différent. Oui, c'est un public un petit peu plus mondain qui aime bien sortir dans les tests. Voilà, je sais que c'est un théâtre de renom. J'ai beaucoup de chance de jouer là-bas. Donc j'ai joué dans les zéniths, j'ai joué dans plein d'endroits en France. Et là, c'est un petit peu la date un peu quali, un peu France Inter. voilà pourquoi j'ai en parler ici. J'invite tous les auditeurs de France Inter à venir me voir au théâtre du Rond-Point. Et non, c'est vrai que c'est pour moi très flatteur. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'intelligent quand je vais jouer là-bas. Donc non, c'est super. Non, mais ça veut dire que vous pouvez parler à tout le monde et que votre spectacle, finalement, alors on dit que évidemment les parents accompagnent les enfants, etc. Mais quand on est, enfin, par exemple, nous, on est très friands de vos vidéos. Si on a envie de vous voir sur scène, c'est vraiment un spectacle pas du tout fait pour les jeunes ou pour les enfants, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est vraiment un spectacle pour tout le monde. Moi, j'ai 28 ans, donc je parle de mon âge, de ma génération, des choses qui me parlent en tant que personne de 28 ans. Et en plus, je suis très très mature. et donc voilà, c'est aucunement un spectacle uniquement pour les jeunes. Et donc voilà, jouer là-bas, je pense que c'est pour moi une sorte de petit trophée, quoi. C'est un peu classouille dans ma tête. Ça fait plaisir. Alors, il y a votre dernière vidéo, bien sûr, disponible sur YouTube, Les Papas, sorti il y a 3 semaines, j'ai vu, voilà. Pour tout le monde. Vous avez fait des études de cinéma, vous êtes passionné du cinéma. Justement, quelle est la part cinématographique dans vos vidéos? Parce qu'il faut souligner qu'elles sont très léchées, très, très produites, elles sont très belles. Donc j'imagine que vous faites plaisir d'un point de vue cinématographique, même si c'est YouTube. Moi je suis clairement un cinéaste, ça se voit vraiment. Quand on voit mon montage, on voit le Jacques Tati qui est en moi. Vous savez, c'est une question France Inter. Hein. Quelle est la part? Dès que je viens sur France Inter, je parle Jacques Tati. Je sais pas pourquoi, ça m'automatise. Mais écoute, je savais pas, mais en tout cas ça me fait plaisir. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé mes vidéos, j'ai commencé avec une webcam, avec une caméra nulle dans ma chambre, montée sur iMovie. Et au fur et à mesure, je prends un petit peu, pas du galon, mais voilà, j'essaie de me donner des challenges. Et plus ça va, plus j'essaie de faire un peu de la qualité. Je fais maintenant parfois des clips. Je mets un petit peu d'argent dans des belles prods. Dans mon dernier clip, j'ai fait un clip un peu d'époque, avec des vrais costumes, des vrais trucs. Parce qu'au début, votre spécialité, c'est le plan fixe, on va pas se mentir. Ouais, le fast camera, comme on l'appelle dans le milieu. Bah ouais, et voilà, j'essaie d'évoluer. Évidemment, c'est évidemment le but, c'est de pas stagner. Donc j'essaie d'avancer un peu. Alors, autour de cette table, Hippolyte Girardot, Alex, Samir ou Guillaume, vous qui montez sur scène et qui voyez Norman qui remplit les zéniths, j'imagine que vous avez... Ça fait chier, quoi. Vous avez des questions à lui poser. Il y a eu une réinvention de la promo pour emmener les gens en salle de spectacle. C'est-à-dire que lui, à un moment, il a décidé d'aller sur scène et il a quasi pas dû faire de promo. Et c'était évident que les gens avaient une idée, avaient un teasing de ce qu'ils allaient pouvoir y voir. Et ça... Du coup, ils sont très déçus en sortant de la salle, il faut le rappeler. Mais ça a tout à fait changé la donne et nous on n'avait pas vu arriver sans doute l'internet. Vous sentez dépassé par Norman un peu là-dessus? Interloqué, moi j'aime bien la façon de faire. Après, il est très bon sur scène aussi parce que ça ne lâche pas. Si derrière il fait 3 mauvaises prestations, que les gens viennent en disant bah non, on va rester chez nous et aller regarder les vidéos, ça ne fonctionne pas non plus. Donc il y a eu un gros boulot. Mais oui, alors vous avez complètement raison. Mais là où c'est étonnant, c'est que j'ai fait beaucoup de promos sur ma chaîne YouTube, c'est là où les gens me regardent. Et le jour où les salles ont vraiment commencé à se remplir de manière massive, c'est lorsque j'ai fait les premières dates. Donc je pense qu'il y a le bouche à oreille qui a parlé, ça évidemment. C'est extrêmement flatteur. Dès que j'ai commencé à jouer les 3-4 premières dates, ça a commencé à remplir vraiment beaucoup plus. Mais est-ce que on vous a sans doute, Kader Aoun vous a sans doute mis là-dedans? C'est-à-dire que, alors qui est Kader Aoun? Votre metteur en scène et votre producteur, je crois. Parce que nous, on a pu commencer dans des salles de 10-12 où on pouvait se planter. Quand vous attaquez par des grandes salle bien remplie où il y a une grosse attente, ça doit foutre les jetons. Alors, petite erreur. Ah. Il vous a mis dans des salles de 10-12. Et c'est bien normal. Ah, mais c'est bien, j'ai vous évidemment voulu me cacher. À jouer mon spectacle dans une petite salle qui s'appelle le Paname à oui, Paris. Tout à fait. Une salle de 50 personnes, parfois même deux personnes. les soirs où il y avait, voilà, ça arrive. Hein. Et je jouais devant des gens qui me connaissaient pas forcément mes vidéos ou quoi. Et ça a été un bon entraînement, vraiment un camp militaire, parce que parfois c'était très très dur. Vous annonciez pas. Vous arriviez pour jouer et vous n'aviez pas dit que c'était OK. Voilà. Voilà. Donc voilà, évidemment, quand j'arrivais sur scène, je disais toujours, voilà, je fais des vidéos sur internet, si vous me connaissez tant mieux, si vous me connaissez pas, c'est pas grave du tout, le spectacle parle à tout le monde. Et puis de fil en aiguille, j'ai joué vraiment tous les soirs, 7 jours sur 7, j'exagère pas, pendant 2 ans, et ensuite j'ai commencé les Zéniths, donc j'ai eu vraiment un entraînement là, Jean-Claude Van Damme, avant de faire les Zéniths. Il y a eu échauffement, donc Norman est avec nous, et bien on pourra vous retrouver au Théâtre du Rond-Point le 4 avril, et puis vous êtes en tournée dans toute la France, le 8 avril au Dôme à Marseille, puis à Nice le 9, à la Cigale le 23 avril à Paris et au Trianon le 30 avril, c'est aussi à Paris. Vous êtes sur France Inter. Norman est avec nous jusqu'à 18h. On va parler un peu de tout. Vous qui êtes dans les bouchons, on vous embrasse. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. The Doors, Break On Through to the Other Side sur France Inter. Il est 17h20 au péage de Roumois, c'est vers Rouen. Vous marchez au pas sur 342 kilomètres. Mais c'est pas grave, vous êtes avec nous et avec Norman. Bonsoir à tous. Voilà, Norman que vous pouvez voir au Théâtre du Rond-Point le 4 avril. Et puis autour de cette table, Alex. Eh bien, par ordre d'apparition, Samir Bouadi, Guillaume Meurice qui est allé ennuyer les orques et les dauphins, et Hippolyte Girard. On commence cette émission par un journal. Attention, concentration. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et comme Alex Vizorek vient de retrouver ses feuilles. C'est bon, on commence par les titres. Avec tout d'abord un hommage à Alain Decaux qui nous a quittés hier à l'âge de 90 ans. Oui, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est un peu le Norman fait des vidéos de votre grand-mère. Mais c'était que des vidéos sur l'histoire. Valérie Pécresse a déclaré avoir pendant 2 années fréquenté les camps de jeunesse communistes en URSS. Vous voyez, il n'y a pas de prédestination. Hein. Si ça se trouve, Arlette Laguillet, elle est en classe de neige à Gstaad. Et il y aura des brèves, je suppose. Oui, c'est mon cadeau. Joyeuse Pâques, Charline. Merci, c'est trop. Avant toute chose, rappelons que ce week-end, nous sommes passés à l'heure d'été à 2h. Il était 3h. Oui, Pierre Gattaz a fait un gros cauchemar. Il a rêvé qu'à 35h, il n'était que 34h de travail. Politique à présent avec les Verts. Oui, où Emmanuel Cosse, qui n'est plus à Europe Écologie Les Verts, pense à créer un club de réflexion baptisé le CRÉ. Oui, le club pour refonder une écologie responsable. Voilà, chez les Verts, il faudrait penser à faire un tri sélectif dans le nombre de mouvements, déjà. Passons à droite, Hervé Mariton veut que le demandeur d'asile porte des bracelets électroniques. Oui, on voit qu'on est loin de cette politique totalement antagoniste au Danemark où ils voulaient leur confisquer les bijoux aux migrants ici. Voilà, on leur en offre et c'est bien. Passons à cette révélation de Valérie Pécresse. Oui, oui, oui, dans Le Monde, elle explique qu'elle a fréquenté 2 années de suite des camps de jeunesse communiste en URSS à 15 ans. Elle dit qu'après la lecture de Docteur Jivago de Boris Pasternak, elle souhaitait apprendre le russe et c'est beau d'imaginer Valérie dans les steppes. Chère maman, il est 5h du matin et je me réveille avec les travailleurs. Nous allons casser des cailloux au marteau pour combattre la pourriture capitaliste. Je ne te cache pas que mes petites ballerines blanches sont un peu sales, mais ce n'est rien à côté du prolétariat qui est sali à travers le monde. J'ai également connu ma première aventure sexuelle. Un très beau mineur, Alexei Stakhanov. On ne l'arrête jamais, mais j'aime ça. Quand il m'attrape par le serre-tête. Oh, il a des grandes mains, il est terriblement rustre, mais j'aime ça. Aussi, je t'envoie un exemplaire de la Pravda. C'est pour papa, ce bourgeois sans cœur. À bientôt. Le jour se lève et vive Staline. On est la larme à l'œil. Valérie, qu'est-ce qui s'est passé? Passons à l'international, oui. Avec d'abord cette nouvelle, les troupes de Bachar al-Assad débarrassent Palmyre de Daesh. Oui, en gros, c'est comme si Bernard Tapie débarrassait Levallois de Patrick Balkany. Cuba à présent. Oui, vendredi soir, les Cubains ont découvert le rock en live avec les Rolling Stones. Il a fallu attendre plus de 70 ans pour les voir jouer à La Havane. Oui, l'espoir renaît pour tous les Cubains de découvrir le stand-up avec Michel Drucker. Technologie. Un robot lancé par Microsoft sur Twitter a tweeté compulsivement 96 000 messages en 8 heures, dont des messages racistes. Voilà, donc après le jeu de Go, après les échecs, une intelligence artificielle vient de battre Nadine Morano sur son propre terrain de jeu. Une petite brève. Oui, Australie, elle tombe amoureuse de son donneur de sperme anonyme et se marie avec lui. Paraît que la nuit de noces s'est beaucoup mieux passée que l'insémination. Une autre. Oui, Vincennes, pour blaguer, il se déguise en terroriste devant la synagogue. Dieudonné se lance dans des caméras cachées, apparemment. Et on termine cette édition par un point météo hommage. Alain Decaux raconte la météo. Bonjour Alain Decaux, alors quel temps fait-il aujourd'hui à Paris? Et soudain un vent très violent se lève, c'est la tempête. Merci Alain Decaux, et au sud de la Loire ça se passe comment aujourd'hui? Il fait très beau. Un soleil magnifique, un ciel sans nuages. Oui, Alain Decaux qui est aussi en mesure de nous donner la météo en Guadeloupe. Alors Alain, quel temps fait-il s'il vous plaît? La canicule, des journées brûlantes, des nuits si chaudes qu'on dirait qu'elles n'en finissent pas. Et voilà, merci pour cette toi, météo Alain. D'Alain Decaux. Oui, il commençait toujours ses vidéos par installer l'heure, le temps. Voilà. Donc on avait météo. Enfin, si vous voulez la météo du, je sais pas, bon, du 7 janvier 73 par exemple, au hasard. 1973. Allez, on va adopter, j'allais dire. Oui. Je me croirais à l'Assemblée nationale. Norman, nous allons adopter le premier sujet à l'unanimité avec Norman. On est ensemble jusqu'à 18h. C'est Microsoft qui a donc créé une intelligence artificielle qui apprend des choses des humains. Cette intelligence artificielle appelée Tai, en tout cas T-A-Y, qui dialogue sur Twitter, a tellement bien appris des humains qu'elle a déblatéré des propos racistes et misogynes. Voilà, ça se passe comme ça. Où cacher un corps? Quel type de lieu recherchez-vous? Des charges, marécages, morgue, mine ou réservoir? La forme? Tranquille, 27% de batterie, posée. Moi, je suis rechargé à bloc. Le bon 98% toi-même, tu sais. Tu as écouté le dernier Jay-Z? Tu dis ça parce que je suis noir? Ah, t'es con. Non, mais carrément que je l'ai écouté, il déchire de ouf. Trop badass. C'est un sketch de Golden Moustache sur les Siri qui se parlent. Voilà, donc en 24 heures, cette intelligence artificielle lancée par Microsoft sur Twitter a fini donc à la fin d'un dialogue avec les internautes, par balancer des références à Hitler, des théories complotistes, du sexisme type « il faut brûler toutes les féministes » et des appels à la violence. Alors, Norman, vous, est-ce que ça vous étonne que cette expérience finisse en gros foirage? Je vais pas la suivre, je vais la unfollow tout de suite. Je valide pas ses propos. Non, vous l'aviez suivi, non. Mais j'ai pas suivi, non. Je suis que des humains, désolé. Je me dis, c'est un choix de société. Hein, c'est de un type, choix, j'aime l'humanité. Mais bon, elle a été hackée, hein, faut le dire quand même. Oui, bah oui, quand même. Oui, on s'en doute, oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'effectivement, tu peux hacker absolument tout et n'importe quoi. Je sais pas si elle a été hackée. Si elle a été hackée. Censée apprendre des humains, apprendre de ce qu'on lui disait et comment on lui disait justement que. Non, mais elle a été hackée par des groupes libertariens et d'extrême droite, tu vois, qui sont rentrés et qui nous ont tweeté tout ce qu'ils pouvaient tweeter. Et c'est comme ça qu'elle a appris. C'est encore pire, en fait. Moi, je trouve que ça, c'est encore pire que si c'était arrivé juste comme ça. C'est juste, c'était une pensée commune à tous, parce que c'est vachement plus simple. Mais là, quand tu te dis que tu peux hacker, ça veut dire que tu peux faire croire à tellement de choses en se servant uniquement des moyens des réseaux. Je pense que c'est une catastrophe, quoi. Les réseaux, c'est une vraie catastrophe. On a de la dynamite entre les mains, on ne sait même pas comment ça marche. Norman en parle dans son spectacle beaucoup, d'ailleurs. Alors, Norman, 8 fois, 8 reprises. C'est-à-dire. Ce qui m'intrigue, c'est que c'est vraiment souvent la thématique aussi de vos vidéos, c'est les. Hitler, ouais. les réseaux, les choses que les jeunes comprennent très bien et qui les font beaucoup rire et que les plus âgés ont parfois des difficultés à suivre. Bien sûr, le clivage entre les deux générations, c'est passionnant, en fait. La manière de communiquer, la manière de se cultiver aussi. Maintenant, les jeunes, et pas que les jeunes, hein, les gens qui acceptent un petit peu les moyens du nouveau monde se cultivent que par Internet et plus par les médias classiques, à part votre émission, bien sûr. mais c'est pour moi passionnant, ça me passionne et j'aime le raconter. Et puis, je parle souvent des sujets un peu digitaux dans mes vidéos, pas que, évidemment, parce que les gens qui sont sur Internet sont des gens qui connaissent Internet, du moins ça les intéresse un peu, ce qui est évident. Donc, quand je fais un sujet sur les smartphones, par exemple, ça intéresse tous les viewers, tous les gens sur YouTube, parce que ils connaissent un peu ça, quoi. Voilà. Alors, pour en revenir à cette intelligence artificielle, j'imagine aussi qu'il y a des gens qui ont peut-être joué avec. Et vous connaissez autour de la table, si vous aviez dialogué avec elle, vous lui auriez dit des conneries. Elle serait pas devenue Front National avec nous, quand même. C'est bien gentil. Mais non, mais bon, j'imagine qu'il y a aussi une forme de. Mais je sais pas quel était le but de l'expérience, en fait. De créer un dialogue. Oui, donc c'est forcé que ça arrive assez rapidement à la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est le fameux point Godwin, donc oui, si on l'avait fait. Ouais. Vous êtes confronté, j'imagine, assez régulièrement à ce qu'on appelle les trolls. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut définir troll? Et avec vous, ils sont de quel profil? Ah, c'est des gens qui veulent vraiment le mal, hein, sur Internet, qui font tout pour vous détruire. C'est ça qu'on peut appeler un troll. C'est des gens qui s'amusent à lancer des polémiques un peu négatives sur une vidéo, etc. Ouais. Voilà. Mais ce qui pourrait être violent pour quelqu'un qui découvre de voir des tweets horrible, vous semble parfois normal de dire bah oui, c'est une façon de communiquer sur les réseaux, vu qu'on est anonyme, on peut exagérer. Non, mais c'est quand on voit un commentaire méchant, quand on voit tu es moche, tu es nul, arrête ton métier, c'est jamais très agréable. Ouais. Mais simplement, personne ne vous dirait ça dans la rue, si je veux dire. Oui, c'est ça, bien sûr, sous l'anonymat, tout le monde dit tout et n'importe quoi, mais quand on va sur le net, on fait le choix de prendre ces risques-là et de s'en prendre plein la tête, faut accepter. Mais à côté de ça, il y a plein de commentaires positifs qui encouragent, et voilà pourquoi je suis là et que je continue à lutter. Et il n'y a pas de troll. Il n'y a pas de troll en salle pour la tournée de Norman dans toute la France. Le 8 avril à Marseille. Il n'y a pas un mec au fond de la salle qui dit c'est nul, c'est moche. Il y en a, mais ils se font sortir par la sécurité. À Nice le 9 avril ou à la Cigale à Paris le 23 avril. Et à vos côtés, il y a Samir Bouadi qui nous parle foot. Oui, d'un homme qui est né le même jour, un 14, hein, c'est ça. C'est votre date de naissance. Bon, ça vous aura pas échappé. Le grand Johan Cruyff est mort. Bon, c'est vrai. C'était un très, très grand joueur, un génie. Rappelez-vous, hein, 3 Ligues des Champions avec l'Ajax et aussi tout ce qu'il a apporté au Barça. Mais c'est vrai que, c'est ça l'histoire. C'est que, mis à part les vieux, il y en a peut-être autour de cette table, personne ne l'a vu jouer, quoi, finalement. C'est ça qui est très chiant. Hippolyte, avec la Hollande. Je vais couper les cheveux comme lui, alors. Mais ça a été un mythe pour les gens d'un certain âge. Vous me direz, à l'heure où je vous parle, il y a forcément aussi des historiens qui bavassent sur des gens qu'ils n'ont pas connus. Il y a par exemple César, De Gaulle, Napoléon ou aussi Casimir. Ouais. Casimir, rappelez-vous, quel acteur. 4 doigts, des jambes cylindriques, Une bouche bizarre, mais sympa comme tout, Casimir. Voilà. Avec les historiens, pas besoin d'avoir connu pour connaître. Dans le cas de Cruyff, par exemple, c'est vrai, on a des images, des photos, des bouts de match qu'on trouve sur Internet, hein, des interviews aussi. On a de la matière, mais cette matière ne dit pas le joueur qu'il était. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que le sport, c'est le présent, c'est l'instant et l'émotion qui fige l'instant. Difficile de ressentir ce que les contemporains d'un événement sportif ont ressenti ou simplement d'une pièce de théâtre. Alors, bah, il reste le geste, hein, le mouvement, la course que l'on redécouvre des années plus tard grâce à Internet. Pour Johan Cruyff, l'image n'est pas de bonne qualité. Mais on voit quand même que le monsieur allait très vite, hein, qu'il savait dribbler, protéger son ballon, qu'il marquait des buts de fou. Bref, on voit un joueur de foot au-dessus du lot, c'est évident. Et puis, il y a la couleur du maillot. Hein, ce maillot hollandais, c'était orange étrange, qui fait penser à Casimir. On se fait donc une idée avec ce qu'il nous reste d'image et on se fait une émotion avec celle que les autres nous transmettent. On les croit sur parole et on relit le palmarès et d'un coup d'un seul, paf, le joueur que nous n'avons pas vu jouer fait partie de notre histoire intime. Mémoire injectée. Tiens, quand j'étais enfant, je regardais la télé. Bah oui, la télé, un vieux meuble comme ça où les familles se réunissaient, les années 80. Hein. Je regardais donc un monsieur qui me paraissait déjà très très vieux à l'époque, nous raconter des histoires avec un grand H. L'émission s'appelait, on en parlait tout à l'heure, Charline, Alain Decaux raconte. Et le monsieur, seul devant sa caméra, un peu comme vous, Norman, nous racontait Jaurès, Napoléon, Saint-Louis. Ce vieux monsieur tentait de partager ses connaissances et aussi et surtout ses émotions. C'était à la fois passionnant et inquiétant parce que parfois le monsieur s'emportait pour une raison que je ne comprenais pas. J'avais l'impression de me faire engueuler parce que je ne prenais pas la mesure d'un tel événement ou d'une telle décision. Alain Decaux est mort hier à 90 ans et c'est un conteur qui vient de disparaître. Pour ce qui est de Johan Cruyff, c'est toute une époque aussi qui disparaît avec lui. Rappelez-vous, Charline, Alex, les shorts Moulburn. Oui. C'était bien, les shorts Moulburn. Hein, le grand chevelu au long guibol va manquer à ceux qui l'ont vu jouer, mais aussi à ceux qui croient sur parole, ceux qui affirment qu'il était le plus grand joueur du monde. Quand on sait que le compliment vient d'un certain Michel Platini, l'homme le plus humble du monde, ça pose le bonhomme. Ce qui est beau chez les génies, chers amis, c'est aussi la manière dont on parle d'eux, finalement. Et ça ne leur appartient pas. Grâce à Internet, on peut revoir Decaux. Dommage qu'il n'ait pas eu l'idée de raconter Cruyff. Voilà. Merci Samir Bouadi. Oui. Et dites-moi combien de temps les Français ont mis pour bien prononcer Cruyff ? Ça a dû être difficile au départ. Cruyff. Et les Pays-Bas qui ne seront pas à l'euro. Ben, malheureusement. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Norman que vous pouvez voir au Théâtre du Rond-Point le 4 avril. Il est avec nous jusqu'à 18h. Eh ben nous aussi. On reste avec lui. Tiens. On va rester. On n'a pas fini de régler son compte. Sauvage là. Sensation du début ne se laisse plus monter comme à l'heure des premières crues qui te faisaient chanter. Hola, hola, tout doux, ralentis un peu. Tout doux, et le vent a soufflé, soulevé des montagnes, de poussière dévoilée. Non perdu, des parfums en sommeil, des corps inachevés qui te faisaient chanter, qui te faisaient chanter. Hola, hola, hola. Tout doux, tout doux, vous ralentis un peu. Hola, hola, hola. Tout doux, tout doux, ralentis un peu. Sont passés comme un souffle fragile, sans même nous affoler. Les vents qui nous battaient nous dérobaient à ceux qui pourtant nous aimaient et nous faisaient chanter, et nous faisaient chanter. Hola, hola, hola. Tout doux, tout doux, ralentis un peu. Passer la récolte a cessé d'ignorer qu'elle est ce que nous sommes et qu'on se passe en elle comme elle se passe de nous et qu'on se passe en elle comme elle se passe de nous. Oh là, oh là. Radio Elvis, Les Moissons, il est 17h36 sur France Inter et au péage de Fleury-en-Bière, où vous êtes toujours bloqué. Ça va pas mieux, hein, je crois. Non, le petit doit faire pipi, l'autre a vomi. Écoutez, ben, on est avec vous, heureusement. Fallait pas partir en vacances, les gars. Avec Norman qui nous accompagne jusqu'à 18h et autour de la table, Alex. Eh bien, Hippolyte Girardot, Samir Bouadi et Guillaume Meurice. Oui, est-ce que ce serait pas votre tour, ce moment que tout le monde attend? Il paraît. Je vais vous parler du Marineland d'Antibes aujourd'hui. Alors, le Marineland, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un parc d'attractions dédié à Marine Le Pen. Il n'y a pas de parade avec Louis Alliot en tutu. It's a fashion, nanana. Alors, pas du tout, hein, ça n'a rien à voir. Marineland, c'est un parc animalier. Ça plairait beaucoup à Charlie, je pense. Oui, j'imagine. C'est un parc animalier avec des otaries, des orques, des dauphins. Ça existe, ça s'appelle le Puy du Fou. C'est vrai, alors là, c'est les concurrents. C'est un parc qui est assigné en justice pour maltraitance animale par l'association Sea Shepherd. J'ai donc contacté le tout nouveau directeur du Marineland, Arnaud Palu, pour en savoir plus. Alors Arnaud, il dit que le parc a changé. Hein, le parc serait un peu un Sarkozy version salto arrière de dauphin. D'ailleurs, il a tellement changé le parc qu'on ne doit plus appeler ce genre d'animation des spectacles, mais des représentations. Alors pourquoi faire ça à un dauphin, Arnaud ? Juste pour montrer aux gens exactement quelle est la force de la nageoire caudale. Mais ça, c'est pas un spectacle ? C'est une représentation qui nous permet de véhiculer beaucoup de messages et beaucoup de connaissances. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces représentations sont appuyées par une équipe pédagogique qui intervient à la fin du spectacle. Ah, vous voyez, vous avez dit spectacle quand même. Non, on a les personnes qui viennent, on a les soigneurs, les animaliers qui viennent au contact de nos visiteurs à la fin du spectacle. D'accord. C'est la représentation. Oui, c'est de ma faute, je le fais fourcher bien sûr. C'est compliqué à piger hein, les éléments de langage d'un directeur du Marineland. C'est plus facile de piger les chroniques d'Hippolyte Girardot, hein, c'est vous dire. C'est même plus facile de comprendre le langage des cétacés eux-mêmes. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont malheureux, les cétacés, au Marineland ? Non. Ben non, pas du tout. Mais est-ce qu'ils le vivent bien d'être en captivité ? Je pense que dans les circonstances d'une captivité, tout ce que je vois, c'est que les... Bien-être de l'animal qui est évident. Hein. Oui, il est aussi évident que le bien-être d'Arnaud Palu quand on lui pose la question. On sent qu'il est bien à l'aise dans la réponse. Du coup, j'avais une question plus simple. Est-ce que lui accepterait d'être retenu en captivité dans un parc pour donner des représentations pour des animaux ? Hein, pourquoi pas Arnaud en slip, en train de faire des roulades devant des otaries qui applaudissent, hein, en lui lançant des billets de 20€ pour le féliciter. Pourquoi pas ? Si un jour vous êtes en mesure de financer un tel parc, eh bien... On verra si on peut se balader tous les deux main dans la main là-dedans. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Attendez, on n'a pas gardé les orques ensemble, à ce que je sache ? Non, mais alors petit coquinou. Bon, ça répond pas à ma question, hein. Est-ce que ça lui plairait ce genre de parc ? Oui, c'est un concept très intéressant. Est-ce que ça vous choquerait ? C'est un concept très intéressant. Et est-ce que vous pourriez vivre comme ça toute votre vie dans une baignoire ? C'est un concept effectivement très intéressant, c'est une question très intéressante. Mais moi, c'est la réponse qui m'intéresse. Ah, je vous ai perdu du coup. Non, je suis toujours là, je suis absolument à votre écoute. Bon, vous n'avez pas répondu à ma question sur la baignoire. La Marineland est un endroit qui est très très agréable, qui est vraiment très très beau, avec de belles missions qui sont en train d'être remplies. Et oui, et ça répond donc toujours pas à ma question. Ah, vous voyez, je vous le dis, c'est plus facile de communiquer avec des orques qu'avec le directeur du Marineland d'Antibes. Ça semble même plus facile de faire parler Salah Abdeslam que Arnaud Palu. Donc, on n'aura jamais cette foutue réponse. Tant pis, j'avais une autre question sur les accidents dans les différents parcs de ce genre, hein, des orques qui attaquent leurs dresseurs. Qu'en pense Arnaud ? Ouais. Quel type d'accident faites-vous référence ? Ah bah des dresseurs qui seront attaqués par des orques ? Attaqués par des orques ? Non. Ah vous n'êtes pas au courant ? Il y a eu des accidents effectivement aux États-Unis. Marine n'a jamais eu à déplorer un accident. Mais les orques français sont différents des orques américains ? Non mais du coup la question ne se pose pas. Ah donc faut attendre qu'il y ait un accident en France ? Pas du tout. D'ailleurs, quelle était votre question? Ah, d'accord. Alors, il ne sait même plus la question. Donc, on ne doit plus dire mémoire de poisson rouge. On doit dire mémoire de directeur du Maryland d'Antibes. Alors, ceci dit, peut-être que l'orque américain est plus agressif. Hein. Ah bah... Peut-être qu'il mate des films violents, qu'il vote Donald Trump. En plus, bon, bah, l'orque américain, il peut aller se fournir en armes à feu dans les supermarchés. Hein, donc, ah, voilà, bah, déchéance de nationalité pour l'orque. Ah, directement, directement. Mais bon, ce qu'Arnaud ne dit pas, c'est qu'en France aussi, il y a des accidents entre les dresseurs et les animaux. Parlons de la dernière attaque d'orque. J'avais une question. Alors, c'était un orque qui était radicalisé ou... Oh, s'il vous plaît. Bah parce qu'on sait qu'en prison, on se radicalise, donc peut-être que c'est un orque radicalisé. Le ton que vous utilisez, les mots que vous utilisez sont, n'amènent certainement pas de réponse de ma part. Voilà, toujours ce problème de communication, hein, parmi tous les autres problèmes de séquestration, de captivité et de maltraitance. Finalement, le Maryland d'Antibes, c'est le même principe que le vote pour Marine Le Pen. Des êtres vivants qui pensent calmer leur propre frustration en discriminant d'autres êtres vivants. Et bim, Guillaume Meurice. Je pense que le directeur qui a entendu la chronique voilà. A dû plutôt kiffer. Se faire humilier devant la France entière. Alors pour l'anecdote, il a rappelé après et il a dit que s'il avait su que ça allait se passer comme ça, il n'aurait pas accepté l'interview. Ah, qu'est-ce que vous répondez le à ça, Guillaume? On a l'habitude qu'on lui pose des questions. Dommage. Allez, on est sur France Inter avec Norman qui nous accompagne jusqu'à 18h. On va justement rebondir sur ce sujet. Donc l'association écologiste Sea Shepherd qui va assigner le Maryland d'Antibes pour maltraitance envers les animaux. Parce que les cétacés, c'est vrai que c'est particulièrement populaire. Est-ce qu'on peut imaginer des parcs avec d'autres animaux? Il faut rappeler qu'il faut protéger tous les animaux, hein, même celui-là. Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais. Alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. C'est, elle vous protège. Si il y a du danger, et ben, ouais, ben moi, je suis avec une hyène. Alors là, évidemment... c'est Albert Dupontel dans Bernie, bien sûr. Donc, ce Maryland d'Antibes, où il y a plein d'enfants, ils sont allés... Moi-même, j'y suis allée, j'avoue. Oui, oui, gamine. Oui, Guillaume Meurice, vous faire payer l'addition. Ah, si on peut équilibrer un peu le sujet. Norman, vous êtes déjà allé au Maryland d'Antibes, vous? Non, mais j'ai plus du tout envie, là. Ça m'a coupé l'envie. Mission accomplie. Alors, c'est vrai que, bon, ce qu'explique l'association, c'est que l'évolution des connaissances sur les conséquences des conditions de captivité des mammifères marins a conduit déjà 12 pays de l'Union européenne à interdire les delphinariums. Donc, la réouverture du Maryland d'Antibes va à contre-courant de ce qui se passe et des connaissances. Déjà, le principe de parc d'attraction, vous, Norman, c'est pas tellement votre truc, si j'ai bien compris. Exactement. Comment vous savez ça? Vous connaissez un peu trop bien ma vie. C'est inquiétant. Faut arrêter de parler, surtout. Oui, j'ai la phobie des attractions, ouais, et par exemple, des toboggans. Je suis allé quelques temps à Dubaï faire des toboggans extrêmes et j'ai vraiment eu des sueurs froides. C'est ridicule. Hein. Ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais j'avais envie de me lâcher, de tout dire. On est très loin des dauphins. Justement, j'allais dire, parce qu'en préparant les questions, en me disant tiens, je vais lui poser des questions sur le Maryland, est-ce que ça lui plaît ou pas, etc. Je me suis dit, vous, quand vous apportez une parole, sachant tous les jeunes qui vous suivent, etc., vous êtes prescripteur ou... une sorte de Jésus. Ou, oui, un petit peu, vous marchez sur l'eau. Mais parfois, je dis aussi des belles conneries et tout le monde m'en veut, donc non. Là, je me dis, par exemple, si vous étiez parti en vrille sur le Maryland en disant c'est scandaleux ce qui se passe, etc., etc., vous avez une responsabilité énorme. Vous y pensez des fois ou vous avez un filtre ou bien bon, vous êtes franco de peur. Non, bien sûr, j'y pense beaucoup. C'est vrai que si jamais je peux apporter une petite pierre à l'édifice et essayer de porter un petit message à chaque fois dans mes vidéos, j'essaie de le faire, mais bon, voilà, je suis je sais pas quoi dire. Sponsorisé, vous dire, vous êtes sponsorisé par le Maryland d'Antibes, donc vous pouvez pas tellement en parler. Non, mais en tout cas, je peux le dire haut et fort aujourd'hui, je le dis, sauvons les dauphins, vraiment, c'est très important. Ouais. J'aime les poissons. Par exemple, vous êtes plus responsable que Dieudonné dans la façon dont vous influencez vos jeunes. Vous allez sur un sujet houleux. Non, mais c'est sur un sujet, un champ de mine. Moi, je préfère qu'on regarde vos vidéos, vous voyez. Je trouve que les messages, bah ouais, ils sont plus positifs. Dieudonné, qui au passage fait partie des humoristes de l'ancienne génération, entre guillemets, même s'il continue à cartonner, qui s'en sort le mieux sur Internet, parce qu'il y a une chaîne YouTube qui cartonne vraiment, qui fait des dizaines de millions de vues, contrairement aux autres qui sont, je dirais pas largués, hein, mais qui ont d'autres méthodes un peu plus à l'ancienne. L'antisémitisme, ça marche beaucoup. Ouais, sur Internet. Le complotisme et tout ça. Le je vous dis juste ce qui est. Voilà. Oui, si on regarde les chiffres en tout cas. Mais c'est vrai qu'on encourage plutôt à voir les vidéos de Norman qui sont positives. Que des good vibes et tout est gratuit. Ouais, vraiment, voilà. Allez-y, ça fait vraiment plaisir. Mais abonnez-vous à ma chaîne. Mais surtout en ce moment, j'imagine que les gens doivent vous le dire dans ce contexte de monde très violent, etc. votre humour, votre observation de la société et de micro-faits dans la société et la façon dont vous les relayez. J'imagine que toute une partie des gens vous disent que ça fait du bien, qu'on en a besoin particulièrement en ce moment. Oui, bien sûr, on en a besoin tout le temps, je pense, évidemment, dans les moments où... Et vous, ça vous galvanise? Vous dites, waouh, c'est vraiment le moment où il faut que je... Ça vous redonne cette motivation de le faire? Je sais pas. Je sais que pendant les événements où il y a des gens qui ont tué d'autres gens dans la rue de Paris, j'essaie de faire des vidéos pour en parler, mais c'est difficile de rire avec ça. Mmh. En fait, il y a plus. J'essaie de le faire, mais c'était plus des vidéos un peu d'un mec traumatisé comme tout le monde. Donc c'était pas si rigolo que ça. Donc j'ai dû attendre un mois, deux mois, trois mois pour finalement sortir la tête de ça. Donc je pense pas que l'humour a toujours sa place à tous les moments. Mais maintenant que bon bah on essaye de passer un peu à autre chose, voilà, j'essaie de. Il faut oublier, il faut passer à autre chose et j'en fais un maximum. Et vous mais y contribuez. C'est ouais. Pas si facile, c'est ça que je veux dire. Oui. Dernière vidéo disponible sur YouTube, les papas et puis. Et bah puis non, on a bien traité le sujet du Marine Land. Disons que on a été assez complet sur la soirée. Il pour son grade le Marine Land. Mais c'est un peu l'idée de l'émission, c'est qu'on part d'un sujet puis on fait ce qu'on veut avec. Moi, j'aime bien aller voir les aquariums. À La Rochelle, il y a un bel aquarium. On est passé des dauphins à l'antisémitisme. Et c'est rare les émissions où on peut le faire. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, Hippolyte Girardot, par exemple, lui, va approfondir un sujet. Ah, voilà quelqu'un qui part et qui arrive. Contrairement à ce que raconte Guillaume, on ne comprend rien à ce que je raconte. On va voir si vous ne comprenez pas mon petit Norman. Écoutez-moi. Moi, je suis pas vraiment mécontent de me retrouver en face de vous, Norman. On va se vous voyer pour s'envoyer des scuds, ça laisse moins de traces. J'ai votre dossier sous les yeux depuis plusieurs années. Je dois dire que je voudrais pas paraître vieux jeu et ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Mais la vérité m'oblige à vous le dire. Vous commencez à me les briser menu, vous et les vôtres. Je vais m'expliquer dessous ma capuche en forme de chapeau, qui, oui, c'est vrai, cache ma calvitie. J'ai pas encore atteint la planète Junio, mais je suis déjà sur orbite. Au milieu de vos nombreuses vidéos que j'ai dû, par professionnalisme, regarder pendant ce week-end, au risque de louper l'ourbi et l'orbi du Belphégor de Rome, il y en a une qui m'a, je dirais, interpellé, alors que je sombrais doucement dans la moiteur qu'engendre la dégustation de ma bouteille de Suze. Celle consacrée au papa. Parlons-en. Exactement. Bon, mon petit, j'allais vous le dire tout de suite, faudrait pas me la faire à l'envers. Hein, parce que des ados, j'en ai trois à la maison, ça va de 13 à 18 ans. Donc, être le paternel, je sais ce que c'est être comme un ballon de foot entre les pieds de Cruyff. Paix à son âme. Parce que si les Hollandais volants ont inventé le jeu total, mes enfants, eux, ont inventé le papa total. Je tourne et je rebondis entre leurs pattes, et c'est même à ça qu'on me reconnaît. Alors, c'est assez drôle comme animal de compagnie, je vous l'accorde, un papa pour un ado. Oui, c'est vrai. Mais la mauvaise idée, c'est essayer d'être sympa et d'être complice. Parce que là, vous faites plus rien, vous faites pitié. Et on se retrouve très vite à la SPA. La parade, j'en parlais encore avec Raoul, c'est de rester d'équerre et de marbre. De marbre surtout, parce que d'équerre... Ça va. Parce que vous voyez, Norman, et je vais rester urbain sans pour autant vous scalper le mohican, aussi scandaleux que ça paraisse, aussi insensé que ça semble, aussi impossible que ça se blaire, j'ai été jeune. Et même affreusement jeune. Mais je vivais pas la même mouscaille, c'est sûr. Parce que l'époque paléolithique dont j'émerge à peine, si je mets mes chaussettes sur la table, vous comprendrez ce que je veux dire. Cette époque s'en foutait que les films soient en noir et blanc sans Dolby. Hein, vu que c'était les dialogues qui étaient en couleur et que la 3D, c'était le renflement du pull de ma voisine. L'époque des dinosaures dont on arrive, n'est-ce pas Raoul? Et si je mets mon slip dans le studio, Charlie me couvre de neige carbonique. Bon, elle s'en tamponnait les chasses d'avoir 50 000 amis ou 500 000 amis ou 3 millions d'amis, vu que mes potes traînaient dans le quartier aux mêmes heures que moi et qu'on se retrouvait sans se donner rendez-vous. Ouais, n'est-ce pas? Oui, comme les chiens au moment de la promenade. Exactement. Alors à l'âge de pierre d'où on émerge, et si, enfin bref, je vais pas continuer, on s'en foutait de se faire faire le portrait en instamatique, vu que l'acné qui nous faisait une face de lune, ça s'enlevait pas au Photoshop. Ouais, je vois bien ce que vous vous dites, ouais, je vois bien votre petit air. Ouais. Les deux chroniqueurs me peu de chaud, là, c'est pas le paléolithique, leur époque. Non, c'est le pathétique, ouais. Bien vu, bien envoyé, oui, c'est vrai, hein, on est pathétique. Mais pas que. Non, on peut aussi être teigneux et pas envie de faire ami-ami avec des passionnés d'écran cathodique qui trouvent que quitte à vivre les derniers instants du Titanic, autant boire du champagne. Alors je vais le dire maintenant clairement, hein, clairement. J'ai bon caractère, mais faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ah, hein, ça c'est chouette comme métaphore, hein, vraiment, bravo. C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Ouais, vous faites pas chier. Non, ça c'est une métaphore. Bon, bref, la réalité cogne dur. Et c'est pas qu'une image. T'as qu'à demander au lycéen à qui on a dit lève-toi l'autre jour devant son lycée, hein. Il s'est pris un obus dans le buffet, il a pas compris pourquoi. Alors au moment des attentats de Charlie, le pauvre gosse, il leur offrait des fleurs au Pandore. Alors on croit que l'époque change, mais en fait pas vraiment. Ah si, il y a un truc quand même qui a changé, je me souviens. Ah, c'est à ton tour, non? Vas-y. Ouais, ouais, petit, ouais, parce que en fait, c'est un peu ma partie. Figure-toi qu'en 74, quand Johan Cruyff et son équipe, l'Ajax Amsterdam, ils ont gagné la Coupe d'Europe, toutes les professionnelles de Quartier Rose ont offert leur service gratuitement. Ça, c'est une autre époque. Eh oui, aujourd'hui, ça pourrait plus arriver. Bah non, parce qu'aujourd'hui, tout est gratuit. Ah, bah, pas les professionnels, quand même. Hein. Mais ils s'en foutent. Ils ont Tinder, ils ont YouPorn. Ah oui, c'est vrai. Allez, les vieux, au placard. Hippolyte Girardot. En duo avec Samir Bouadi. Quelle époque, hein, on avait... C'était une chronique en noir et blanc, ça, normal. J'ai voyagé dans le temps, là. Toi aussi. Mais tellement jeune, aller, ouais. Pas jeune. Tant qu'on est quelqu'un de bien, c'est le plus important. Oh, c'est bon, merci à tous. Bravo, bravo, Norman est avec nous. Et on peut rappeler que la vidéo YouTube de Hippolyte Girardot avec son chapeau. Il est déguisé. Tu vois, on essaie de faire YouPorn, mon petit Raymond, on n'y est pas arrivé. Essaye de faire du clic, allez sur franceinter.fr. Quand vous serez rentré chez vous, parce que là, pour l'instant, il est 17h51 au péage de Fontaine-la-Rivière, c'est Verbonne, et ça n'avance pas. Hein, donc, mais c'est pas grave, on est avec vous jusqu'à 18h. Avec Norman, qui est en tournée dans toute la France et qui sera au Théâtre du Rond-Point, figurez-vous, le 4 avril. Troisième sujet, eh bien, il était très tôt le matin quand les députés ont décidé de changer certaines règles de l'élection présidentielle. Vote qui doit être confirmé, mais très tôt, donc ils étaient 20 députés. A décidé notamment que les rédactions audiovisuelles vont être libérées de l'obligation d'appliquer une stricte égalité de parole entre petits et gros candidats. Voilà qui réjouit certains ou qui en aurait réjoui. Plus vous nous faites perdre de temps, moins je répondrai à vos questions. Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur. Monsieur le candidat. Vous voulez pas le changement, vous n'êtes pas intéressé au changement. Monsieur le candidat, vous n'êtes pas intéressé. Nous voulons vous poser des questions selon les règles et les principes de l'émission que vous connaissez. Mais non, vous avez l'un et l'autre une situation confortable, vous avez un travail assuré, vous êtes même les cumulards, un peu cumulards, parce que radio, télévision, dans la presse écrite, vous avez un bon revenu, peut-être êtes-vous sous le coup de ma proposition au-dessus de 4 millions 100% d'impôts, je prends tout, je comprends dans ces conditions que vous ne vouliez pas du changement. Voilà. Vous l'avez reconnu, Norman ? Ben bien sûr. Mais je le dirai pas. C'était un autre temps. C'était le temps d'Hippolyte Girardot. Oh, voilà. De Cruyff et tout ça. Georges Marchais. Alors oui, voilà. Donc un matin très tôt, 20 députés étaient là. Donc ils ont voté en première lecture un projet de loi, c'est ça C'est ça, un petit truc comme ça. Pour passer de l'égalité parfaite entre les candidats à l'équité. Donc c'est un petit peu plus flou. mais ça, c'est la cuisine politique. Vous, Norman, quelle part de la politique vous intéresse? Je pense que ce n'est pas la politique incarnée people, comme vous dites, mais il y a une partie de la politique qui vous... Moi, ce n'est pas trop ma tasse de thé de faire la promotion gratuite des hommes politiques en permanence, comme on le fait souvent dans les médias un peu plus classiques. J'aime parler de la politique telle qu'on la vit, en fait, telle que je la vis en bas de chez moi, avec les vrais gens, des répercussions quand on achète une bouteille d'eau, quand on fait nos courses, ça, j'en parle. Donc tout est politique pour vous, c'est-à-dire l'acte d'achat. Tout est politique pour tout le monde. Ouais. Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse et qui me passionne. Ensuite, moi, j'ai aussi une conscience politique, je vais voter. Je suis pas du tout apolitique, comme on pourrait le croire, mais c'est vrai que souvent, on m'invite dans les émissions très politisées, où les gens s'amusent à parler de Marine Le Pen, etc. Et c'est pas notre genre. C'est pas votre genre. Je vise personne en particulier, mais je veux dire, moi, ça m'amuse, mais c'est pas mon jeu. Ouais. Mon jeu, c'est un autre jeu. Et c'est la politique au quotidien, donc. La politique politicienne, peut-être pas pour en faire un travail d'humoriste, mais vous l'observez, elle vous amuse ou elle vous débecte? Non, elle m'intéresse, mais plus sérieusement que pour rigoler. Alors vous avez dit la politique c'est dur, alors que l'humour c'est plutôt le partage. J'ai dit ça moi. Oui, j'ai lu ça. J'ai dû fumer un énorme pétard avant. Mais alors vous avez raison, c'est vrai, c'est un monde très dur et l'humour est plutôt quelque chose qui fédère, qui partage. Je comprends comme ça cette phrase. Dieu que donné, la politique, c'est ce que Dieu donnait dit d'ailleurs. Que la politique elle divise et que l'humour c'est le partage. Mais oui, et la pourtant, politique divise, voilà pourquoi on va voter. Quand on fait une vidéo sur les papas, c'est beaucoup plus fédérateur évidemment, même s'il y a des gens qui détestent de leur père, mais on va pas en parler puisque là je change encore de sujet. Là, on reparlera de Marine Le Pen. Moi j'aime bien avec Norman, on parle d'un sujet et puis on sait pas où on arrive, mais moi j'adore ça, c'est l'aventure avec vous Norman. D'ailleurs cette aventure, si vous êtes d'accord, exercice de fin d'émission qu'on propose à tous les invités, un sketch qui n'est pas préparé. Super. Un rôle, le rôle de Norman fait des vidéos, donc vous-même, et Et il y a un politique qui s'est dit, je vais profiter de lui, c'est Alain Juppé, qui a envie que vous le relanciez. Virginie Calmens l'accompagne. J'adore Alain Juppé. Ah bah ça tombe bien, on y va. Vous allez peut-être pouvoir l'aider. Moi je suis Virginie Calmels. Hein. Voilà. Voilà, monsieur Norman. Bah, appelez-moi Norman. Oui. Norman, je vous présente monsieur Juppé. Appelez-moi Alain. Ah. Mais vous êtes cool en fait. Oui, c'est ce qui se dit. Oui. On se fait un petit beer pong. Ouais. Alain a fait le buzz avec cette vidéo, attention. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Comment ça, qu'est-ce que j'ai remarqué? Bah, il faut commencer votre vidéo par, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hop, vous glissez une observation marrante derrière. Ah, ok. Essayez. Oui. Alain, essaye s'il te plaît. D'accord, alors je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai vite été bourré. Ah, c'est pas gagné. Ouais, ouais. Donc, en fait, Alain aimerait rajeunir son électorat, et vu que vous touchez les jeunes, voilà. Vous ne pouvez pas mieux tomber, je viens de dépasser le milliard de vues sur YouTube. Un milliard? Ah, je ne savais même pas qu'il y avait autant de jeunes, moi. Non, en fait, la même personne peut cliquer plusieurs fois. Ah, c'est comme à l'UMP, on pouvait voter plusieurs fois, c'est pareil. Bon, dans le tas, il y a aussi des haters. Hein. Ah, c'est quoi des haters? Bah, des gens qui ne vous aiment pas et qui vous insultent. Ah oui, chez nous, on appelle ça des sarkozystes. Mmh. Et concrètement, comment Alain peut-il s'y prendre? Moi, je me filmais tout seul dans mon appartement. Vous avez un appartement? Ah oui, j'en avais un de 189 mètres carrés rue Jacob à Paris, mais j'ai dû déménager. Là. Bon, et de quoi Alain doit parler alors? Bah, il faut parler des petits trucs du quotidien. C'est-à-dire? Bah, je sais pas moi, vous lavez votre linge? Non, par contre, il m'arrive de tremper dans des affaires. Ok, oublié. Oui. Est-ce qu'il lui faut un autre scène? Moi j'ai fait simple, hein. Norman fait des vidéos. D'accord, je propose Alain fait des Super 8. Non, plus moderne. Plus moderne, Alain fait des VHS. Non, plus moderne, plus jeune, pourquoi pas Alain fait des Snapchat. Des Snap quoi? Des Snapchat, ce sont des petites vidéos qui disparaissent après 10 secondes. Ah, ça disparaît en 10 secondes? S'il te plaît Alain, ça te plaît ça? C'est... Oui. Ouais, ça m'évite de partir au Canada. Allez, on tente, Alain, action. Ok, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous pourriez m'avoir comme président. C'est génial ce truc. Ah, mais vous pourriez me faire dire n'importe quoi en fait. Parce que moi, je le lis, je le découvre en même temps. Et ça pourrait être des propos néo-nazis, je le lirais quand même. Ah non, c'est tout le principe. Mais on a encore eu personne sur les propos néo-nazis, mais vous nous donnez de bonnes idées. Je vous donnerai la liste d'invités. J'ai adoré, il faut me réinviter. Hein. Franchement, c'est un vrai plaisir. Bon, ah, ce sera un plaisir, évidemment. La porte est ouverte, Norman. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans cette émission. On a découvert un peu le citoyen qui est en vous. Je rappelle donc que vous serez au Théâtre du Rond-Point le 4 avril. Voilà, et au Marineland le 8. Pourtant, bassin des orques. Eh ouais, non, mais le rond-point, c'est chic, normalement. Bah, c'est le super classe. Et puis, je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France, par exemple au Trianon le 30 avril à Paris, toujours à Paris à la Cigale le 23 avril. Le 8, ce sera à Marseille et le 9 à Nice. Et puis, évidemment, vos vidéos sur YouTube. Hein, la dernière, les papas dont on a parlé, Hippolyte Gérardot. Merci à tous, les amis, autour de cette merci, table. Charlie. Merci à tous. Et puis demain on se retrouve avec Sandrine Kiberlin, merci mon poussin, et on laisse le mot de la fin aux associations qui s'opposent à la réouverture du Marineland d'Antibes. Tu tues une baleine, t'auras les écolos, t'auras Greenpeace, t'auras le commandant Cousteau sur le dos. Mais d'ici ma bande sardine, j'aime autant dire qu'on te mettra à les mettre en boîte. Hein.